Une rencontre de contes, récits et scènes en vers par Gustave Nadeau. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Une rencontre à Alfred Arago. Chaque année au printemps, certaines soifs me gagnent, le dimanche venu, d'aller à la campagne, voir un peu de verdure et humer un peu d'air. J'avise à cet effet quelques chemins de fer. Selon que je désire, ou les bois ou les plaines, je prends Enghien, ou Sceaux, Saint-Germain ou Vincennes. Et j'arrive à mon but à peu près aussitôt, qu'aurait fait un coucou s'il avait pris le trot. Là, je ne m'étends pas sous l'ombrelle des hêtres, mais j'entreprends à pied 5 ou 6 kilomètres, et je cherche en chemin un de ces restaurants où l'on peut déjeuner pour 3 ou 4 francs. Or, ce dimanche-là, ma promenade faite, je m'étais installée chez un traiteur honnête, à Joinville-le-Pont, et je déjeunais seule, dans un jardin planté d'un unique tilleul. Lorsqu'une jeune femme à haute et fière mine vint poser son chapeau sur la table voisine, en criant à quelqu'un « Octave, par ici !» Un jeune homme parut qui resta tout transi. Mieux eût valu pour lui trouver une vipère. Il avait sous les yeux un ami de son père. Cet ami, c'était moi. Moi qui pouvais si bien aller à Robinson ou pousser vers Enghien, et qui venait ici, mais sans malice aucune, me jeter au travers d'une bonne fortune. Pour éviter le choc, nous eussions bien donné, Octave sa compagne et moi mon déjeuner. Mais il était trop tard, nous étions face à face. La femme, qui voyait notre double grimace, toisa son cavalier et lui dit « Eh bien, quoi ? Tu connais ce monsieur ? C'est bien, présente-moi. » Alors, mon pauvre ami, d'un ton piteux et triste, risqua « Mademoiselle Antoinette, fleuriste. » Nous nous fîmes tous trois un gracieux salut, après lequel chacun se rassit et se tut. Antoinette avec soin étudiait la carte, n'étant pas à coup sûr pour les repas de Sparte. Elle était arrêtée à l'article homard. Pour l'autre, sa pensée était tout autre part. Je jugeais de bon goût de rompre le silence, mais avec bonhomie et sans impertinence. Eh bien, mes chers enfants, avouez-moi ceci, que vous ne pensiez pas me rencontrer ici. La réciproque est vraie. Et d'honneur, je m'accuse d'avoir été pour vous la tête de Méduse. » Octave, rougissant, répondit « En effet. » Antoinette pensa « Qu'est-ce que ça me fait ?»« Pourtant, continuai-je, il ne faudrait pas croire que de mon jeune temps je perde la mémoire. D'ailleurs, ce jeune temps n'est pas déjà si loin qu'il n'en puisse rester un lambeau dans un coin. J'ai quelquefois aimé, comme dit La Fontaine, j'en conviens, et tenez comme chose certaine, que si je me découvre à vos yeux sans regret, je suis capable aussi de garder un secret. L'amour n'excuse rien, mais il faut tout comprendre, et vous m'inspirerez l'intérêt le plus tendre, lorsque vous m'aurez dit que vous vous aimez bien. » Octave tressaillit et ne répondit rien. Antoinette vers moi dirigea sa prunelle. « Tenez, vous me semblez un brave homme, » dit-elle, « mais vous avouerez bien qu'à l'âge où vous voilà, on ne s'entend plus guère à ces matières-là. Je ne saisis pas bien le sel de l'épigramme, et vous vous targuez trop de mon âge, madame. Pourquoi donc, s'il vous plaît, pourriez-vous juger mieux ? Parce que je suis jeune et que vous êtes vieux. Que voulez-vous, mon cher ? Tout change en ce bas monde. La brune a fait son temps, c'est le tour de la blonde. Vous en êtes encore au temps des troubadours. Nous, nous sommes liés depuis 8 ou 10 jours. Octave est bien gentil, c'est un garçon solide. Il n'a pas inventé la poudre insecticide. Mais je suis assurée, en acceptant son bras, que le premier venu ne m'insultera pas. Moi, je lui fais honneur. J'ai la taille bien faite, l'œil vif, le pied petit, et j'ai de la toilette. Bref, si chacun de nous apportait son écho, je serais la princesse et lui le calicot. Octave était confus. Moi, j'écoutais tout triste, les propos saugrenus de cette réaliste. Elle s'interrompit pour crier le garçon, puis reprit le couplet suivant de sa chanson. L'amour dont vous parlez, c'est bon pour les gens riches, les femmes du grand ton, les oisifs et les biches, qui ne savent pas faire œuvre de leurs 10 doigts, et qui vont tous les jours se promener au bois. Je vais bien travailler 6 jours de la semaine. Mais quand vient le dimanche, il faut qu'on me promène, qu'on me fasse manger quelques aliments sains, et boire du macon fait avec des raisins. Pardi, si nous pouvions, étant plus économes, mener la même vie et nous passer des hommes, comme nous renverrions tous ces tyrans jaloux qui veulent être aimés et se moquent de nous. Mais sans eux la misère, et pour demeurer sage, on a trop d'estomac et trop de blanchissage. Maintenant, déjeunons. J'aperçus en effet qu'elle accueillait les plats d'un air fort satisfait. Durant 1 heure au moins, je restai sur ma chaise, admirant à loisir cette jeune Française. Octave, cependant, était tout soucieux. Il mangeait sans parler et détournait les yeux. Enfin, je me levai, jugeant que ma présence leur était une gêne, et j'eus la complaisance de leur tendre la main. Mais elle me tapa sur l'épaule et me dit « Sans rancune, papa ». Fin de Une rencontre enregistrée par Margot.